إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on reprend les cours aujourd'hui sur Kitab al-Tawhid al-Mulakhas fi Kitab al-Tawhid, le résumé du charh de Kitab al-Tawhid de Cheikh Saleh al-Fawzan, et on est arrivé au cours 47 aujourd'hui. Le titre du chapitre qu'on va étudier aujourd'hui, c'est Babun ma ja'a fi riya. Babun ma ja'a fi riya, c'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui a été ramené comme preuve au sujet inshallah. Donc on commence. Le cheikh il dit, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit: wa qawli Allah ta'ala قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وتمام الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc c'est le verset d'introduction dans ce chapitre qui est le verset 110 dans sourate Al-Kahf, qui est le dernier verset dans cette sourate, en fait. Et Cheikh Al-Fawzan, donc, il explique ce verset. Premièrement, il dit: munasabatu dhikri hadha al-bab fi kitab al-tawhid annahu lamma kana ar-riya mukhillan bit-tawhid wa muhbitan lil-amal alladhi qaranahu nasaba an yunabbiha alayhi al-mu'allif fi hadha al-bab. Donc le cheikh explique l'occasion pour laquelle on a mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. Quelle raison il a été placé dans le livre? Parce que il y a une raison pourquoi chaque chapitre a été placé, et à quel endroit il a été placé, et pourquoi le cheikh il en parle dans ce livre. Et pourquoi? Parce que chaque sujet de ce livre est relié avec le tawhid, et un lien avec le tawhid. Donc soit que c'est un lien direct, soit que c'est un lien par rapport à la conséquence ou à la protection du tawhid ou des choses de ce genre. Donc ici il parle de l'ostentation, ar-riya, le fait de faire des actions ou de dire des paroles qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala dans le but de se faire glorifier par les hommes. Ça, c'est qu'est-ce qu'on définit, qu'est-ce qu'on appelle l'ostentation. Donc le verset en question qu'on a lu, si on le traduit dans qu'est-ce que ça signifie, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa signification, ça dit: dis ô Muhammad, je ne suis qu'un être humain comme vous, à qui on a donné une révélation. Hein? Et la révélation consiste à rappeler et à dire que votre divinité n'est qu'une divinité unique. Celui que vous devez adorer n'est qu'une divinité unique. Alors quiconque espère en la rencontre avec son Seigneur, qu'il fasse donc des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Qu'il n'associe rien ni personne dans l'adoration de son Seigneur. Donc la raison pour laquelle on a placé ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est que étant donné que l'ostentation est quelque chose qui vient yani créer une défaillance, une déficience dans le Tawhid, et que ça vient détruire la valeur de nos œuvres, alors c'est pour cette raison-là que c'était important yani de mettre une note à ce sujet-là et de note yani de mentionner l'importance de cette question dans ce chapitre. Et c'est pourquoi l'auteur en a parlé dans ce livre. Le cheikh il dit ensuite: Ar-riya masdaru ra'a mura'atan wa riya'an wa huwa an yaqsud an yura aw an yara an-nas annahu ya'malu 'amalan 'ala sifatin wa huwa yudmiru fi qalbihi sifatan ukhra. Donc c'est que quelqu'un, Ar-Riya, ça vient, c'est le masdar de Ra'a, Mura'atan et Riya'an. Donc c'est le fait qu'une personne essaie de faire en sorte que les gens le voient en train de faire une action d'une certaine façon, alors que dans son cœur il a une autre intention, un autre objectif, et il le fait d'une autre façon. Donc en apparence, on voit la personne, on a l'impression qu'elle est en train de faire qu'est-ce qu'elle fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quelqu'un par exemple qui fait la salat et qui embellit sa salat et qui se concentre dans sa salat. Donc on aurait l'impression que cette personne, elle fait ça dans le but de, yani, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être yani, un meilleur croyant, d'avoir une meilleure relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que dans son cœur, cette personne-là, elle a une autre intention. Et cette intention-là, c'est quoi? C'est pas de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est de faire en sorte que les gens la voient et de récolter des éloges de leur part et de faire en sorte d'avoir un certain prestige ou une renommée du fait que on est en train de prier et qu'on est pieux ou des choses de ce genre. Et le cheikh il dit ensuite, Paul, le verset, il explique le verset qui commence par Paul, c'est-à-dire khitabun al-khitabu lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qul lin-nas. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il utilise le verbe dit, de dire, à l'impératif, c'est-à-dire qul, dit, c'est une parole qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie dit aux gens, yani dit aux gens, au Muhammad, dit aux gens, ana basharun mithlukum, innama ana basharun mithlukum, dit je suis un être humain comme vous, ay fi al-bashariyati laysa li min ar-rububiyya wala min al-ilahiyya shay'un. C'est-à-dire, je suis un être humain, je fais partie des hommes, je fais partie de l'humanité, je ne suis pas divin, j'ai aucune forme de divinité en moi, je ne fais pas partie de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne suis pas le Seigneur, j'ai rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que je suis pas partie d'Allah, comme les chrétiens par exemple pourraient dire à propos de Jésus ou des choses comme ça, hein. Moi je ne m'attribue pas des qualités divines ou des choses de ce genre. Non, je suis seulement un être humain, je n'ai rien de la divinité et je n'ai aucun droit à l'adoration non plus, et je demande à personne de m'adorer. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rappeler ça aux hommes et de dire ça aux hommes pour qu'ils comprennent. Innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Donc on m'a accepté qu'on m'a fait une révélation. Donc je suis comme vous, un être humain, sauf que je suis pas non plus yani pareil avec vous dans tous les sens, puisque moi j'ai reçu une révélation contrairement à vous, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé avec un message, avec une prophétie. Et le message, c'est-à-dire la base de ce message, comme le cheikh il dit, c'est de dire aux hommes que votre divinité est une divinité unique. Ay ma'budukum bihaq alladhi ad'ukum ila ibadatihi ma'budun wahid la sharika lah. Donc, celui que vous devez adorer en vérité et qui mérite et qui est le seul qui mérite d'être adoré, c'est et celui à qui je vous appelle, celui vers qui je vous appelle à l'adorer, eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui seul que vous devez vouer vos adorations. Et toute votre adoration doit être à lui seul, et il est unique et il n'a pas de partenaire. نعم انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه اي يخاف المصير اليه ويطمع برؤيته يوم القيامه. Donc celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, c'est-à-dire qu'il craint, hein, d'être ramené à lui, et qui espère et qui souhaite de le voir au jour de la résurrection. Il craint d'être ramené vers lui, donc il va faire il va s'écarter des interdictions, et il souhaite et il a envie de le voir au jour de la résurrection à cause des bonnes œuvres qu'il a fait et des choses bonnes qu'il a fait. Donc il a hâte de voir son Seigneur au jour de la résurrection pour recevoir sa récompense. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Le cheikh il dit عملا صالحا وهو ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه. Donc pour que l'action soit décrite comme étant عملا صالحا, une bonne action, eh bien le cheikh il explique ça en disant que cette action là il faut qu'elle soit avec deux conditions. La première, donc la première condition, c'est que elle soit en accord avec la sharia d'Allah, avec la révélation dans le Coran et dans la Sunna, supportée par les preuves. Et il faut qu'elle soit faite avec l'intention de plaire au visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? De chercher le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la deuxième condition. Ou bien parfois on peut les inverser, c'est-à-dire l'intention de faire les choses uniquement pour le visage d'Allah, c'est al-ikhlas, le fait d'avoir la pureté d'intention et la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala dans notre action, et qu'elle soit en accord avec la sharia d'Allah, ou bien parfois on dit avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même chose. Na'am. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc ça c'est la deuxième condition justement par rapport à l'intention. عملا صالحا, et l'action pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle ait ces deux conditions là. Et en plus, hein, il mentionne ensuite pour confirmer ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, et qu'il n'associe rien dans son adoration pour son Seigneur. Il n'associe personne d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit ay la yura'i bi'amalihi, donc il n'associe rien dans son adoration pour son Seigneur, c'est-à-dire il ne fait pas d'ostentation, il ne fait pas d'ostentation dans ses actions quand il fait quelque chose. Et ahada, c'est-à-dire comme le cheikh il le dit, nakiratun fi siyaq an-nafi fata'um kull ahad ka'inan man kan. Donc ici, c'est pour expliquer que wala yushrik bi ibadati rabbih, qui n'associe rien avec l'adoration ou dans l'adoration de son Seigneur. C'est en fait ahadan ici, c'est le fait de mentionner qu'il n'associe rien, hein, qu'il n'associe personne, hein, qu'il n'associe quoi que ce soit. Et le fait que ce soit ahadan écrit de façon indéfinie, et que c'est dans le contexte d'une négation, eh bien ça fait en sorte que la chose qu'on mentionne comme en disant qu'on ne doit pas l'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle devient générale. C'est-à-dire qu'on associe quoi que ce soit, on n'a pas le droit d'associer quoi que ce soit avec Allah. On n'a pas le droit d'associer personne ni rien avec Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration. Et donc ça voudrait dire qu'on peut remplacer ce mot-là par n'importe quelle chose que les hommes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils n'associent pas, par exemple, Isa dans leur adoration avec Allah, qu'ils n'associent pas les anges, qu'ils n'associent pas les djinns, qu'ils n'associent pas les étoiles, qu'ils n'associent pas le soleil ou la lune, qu'ils n'associent pas les awliya et les salihin et les tombes et les kubur, hein, et ainsi de suite. Donc, qu'ils n'associent rien de ces choses-là avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration. Et également, on peut mentionner le fait de ne pas faire des actions par ostentation, parce que ça aussi, ça fait partie du shirk. Et c'est une forme de shirk mineur, hein, le fait de faire des actions pour se faire voir, au lieu de les faire uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour avoir son agrément à lui. Le shaykh, il dit, المعنى الإجمالي للآية. يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أنه بشر مثلهم في البشرية ليس له من الربوبية والألوهية شيء وإنما مهمته إبلاغ ما يوحيه الله إليه وأهم ما أوحي إليه أن المعبود حقا معبود واحد وهو الله ولا يجوز أن يشرك معه أحد في العبادة ولا بد من المصير إليه في يوم القيامة فالذي يرجو النجاة في هذا اليوم من عذاب الله فليستعد له بالعمل الخالص من الشرك الموافق لما شرعه الله. Donc le cheikh explique la signification générale de ce verset là et il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'informer les hommes qu'il est un être humain comme eux et qu'il n'a aucune part de la seigneurie ou de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni de l'adoration ou du droit à l'adoration, il n'a rien de ça, et qu'il n'a comme tâche uniquement de transmettre la révélation que Allah subhanahu wa ta'ala lui a faite. Et la partie la plus importante de cette révélation-là, c'est bien entendu le tawhid. Hein, de dire en fait que celui qu'on doit adorer en vérité et qui mérite, qui est le seul à mériter d'être adoré, c'est une divinité unique. Hein, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il n'est pas permis d'associer quoi que ce soit avec lui dans l'adoration. Et le cheikh il dit donc que c'est vers lui qu'on est obligé d'être ramené, qu'on sera obligatoirement ramené au jour de la résurrection. Alors celui qui souhaite être sauvé en ce jour-là, qui veut être sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il se prépare, hein, qu'il se prépare en faisant des actions qui sont pures. Qui sont purs, c'est-à-dire qui sont exempts de toute forme de shirk, et qui sont en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Hein? Donc, c'est des bonnes œuvres, et pour qu'elles soient bonnes, ces œuvres, eh bien, il faut qu'elles soient en accord avec la charia. C'est pas juste de dire, oh, je fais des actions que les gens considèrent comme étant bonnes. C'est pas suffisant, il faut les faire d'une façon spécifique, selon des conditions spécifiques qui sont définis par la charia d'Allah, la législation divine dans le Coran et dans la Sunna. Et en plus, il faut, bien entendu, ça c'est le plus important, qu'elle soit faite avec le tawhid, hein, qu'elle soit exempte de toute forme de shirk, que ce soit du shirk majeur ou du shirk mineur. Parce que le shirk majeur, ça détruit toutes les œuvres, sans exception, et le shirk mineur, ça détruit l'action en question, même si ça n'annule pas toutes les œuvres, mais ça annule l'œuvre dans laquelle il y avait cette forme de shirk mineur dedans, comme le riya, hein, l'ostentation. Pour quelle raison on a mentionné ce verset dans ce chapitre en particulier? Le Cheikh Al-Fawzan il dit anna fiha al-amr bi ikhlas al-amal min ash-shirk alladhi minhu ar-riya. C'est-à-dire, la raison pour laquelle on mentionne ce verset dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a dans ce verset l'ordre de faire preuve de pureté et de sincérité dans nos actions et de faire en sorte que nos actions soient exemptes de shirk. Et parmi les exemples de shirk, bien entendu, ar-riya, hein, l'ostentation. وما يستفاد من الآية أولا أن أصل الدين هو إفراد الله بالعبادة ثانيا أن الرياء شرك ثالثا أن الشرك الواقع من المشركين هو الشرك في العبادة ورابعا أنه لا يجوز أن يعبد مع الله أن يعبد مع الله أحد لا من الأصنام ولا من الأنبياء والصالحين ولا غيرهم. Donc les points qu'on peut tirer de ce verset là sont quatre, comme le cheikh les a résumés ici. Les points qui sont bénéfiques et qu'on peut tirer comme points bénéfiques et importants dans ce verset-là sont de quatre. Le premier, c'est que la base de la religion, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de faire en sorte que l'adoration soit uniquement vouée à lui seul. Le deuxième point, c'est que al-riya, l'ostentation, de faire des actions pour se faire glorifier par les gens, c'est en particulier des actes d'adoration qu'on fait habituellement pour Allah seul, si on les fait pour autre que Allah, c'est-à-dire pour se faire voir des gens, pour se faire glorifier, ça c'est une forme de shirk. Troisième point, il y a que le shirk dans lequel les mushrikines étaient tombés, c'est le shirk dans l'adoration. Le shirk que les mushrikines pratiquent, c'est le shirk dans l'adoration. Et quatrièmement, il y a le fait qu'il n'est pas permis à quiconque d'adorer quoi que ce soit autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit parmi les idoles, ou les prophètes, ou les hommes pieux, ou autres. Donc ça c'est par rapport à ce verset. Il y a ensuite un hadith qui est rapporté par l'imam muslim que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité dans le livre, dans ce chapitre. Et c'est le suivant. Il dit, وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ رواه مسلم. Donc ça c'est un hadith rapporté par Muslim et il est rapporté également par d'autres narrateurs aussi comme l'imam Ahmad, Ibn Majah et Ibn Khuzayma. Donc ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? C'est un hadith Qudsi. Donc c'est un hadith rapporté selon Abi Huraira. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah ta'ala a dit: je suis celui qui se passe absolument et complètement de partenaire. Et je n'accepte pas les actes qui sont faits pour autre que moi, ou qui sont partagés entre moi et d'autres. C'est-à-dire, on les fait pour moi et on les fait pour d'autres en même temps. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il les accepte pas. Donc, il dit, celui qui fait une action dans laquelle il associe avec moi quelque chose d'autre, alors je le laisse, lui, ainsi que la chose pour laquelle il a fait cette action-là en dehors de moi. Et ça, c'est un hadith rapporté par l'imam muslim qui est authentique, bien entendu, puisque les hadiths muslims dans son sahih sont authentiques. Il dit, le cheikh, il explique les termes ou les phrases du hadith. Il dit, أنا أغنى الشركاء عن الشرك أي عن مشاركة أحد وعن عمل فيه شرك. C'est-à-dire que je me passe absolument et complètement du partenariat de quiconque, j'ai pas besoin d'aucun partenaire, et je me passe complètement des actions qui sont faites pour d'autres avec moi, qui sont faites pour d'autres avec moi, et dans lesquelles on a pris des partenaires dans ces actions-là, et dans lesquelles il y a du shirk. Donc ces actions-là, je ne les accepte pas, et je m'en dispense et j'en ai aucun besoin. Ensuite il dit, أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري. Donc il dit le chef أشرك معي فيه غيري أي قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه أي لم أقبل عمله بل أتركه لذلك الغير. Donc celui qui fait une action dans laquelle il associe d'autres avec moi dans son action, alors c'est-à-dire qu'il a fait une action mais que son intention dans cette action-là c'était une autre créature, c'est-à-dire une créature en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait cette action-là pour se rapprocher non seulement d'Allah mais en même temps il a fait pour avoir les éloges ou avoir la satisfaction des hommes, des choses de ce genre, eh bien je le laisse ainsi que le partenaire avec, qu'il m'a associé. C'est-à-dire, je ne veux pas accepter son œuvre. Et je l'abandonne. Et je laisse cette œuvre pour la chose avec qui il m'a associé. Il dit ma'na al-hadith ijmalan, la signification du hadith de façon générale. يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وهو ما يسمى بالحديث القدسي أنه يتبرأ من العمل الذي دخله مشاركة لأحد برياء أو غيره لأنه سبحانه لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. الشيخ ذكر signification générale du hadith. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur Azza wa Jal, et c'est ce qu'on appelle le hadith al-Qudsi, parce que dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala se désavoue de l'action dans laquelle on a fait entrer l'association avec une autre personne, soit par ostentation ou bien par d'autres façons. Donc si on a fait une action puis que cette action là elle n'était pas faite purement et uniquement pour Allah seul, donc on l'a fait également pour plaire à se faire remarquer par d'autres, pour avoir la glorification des hommes ou des choses de ce genre, ou bien qu'on l'a fait pour autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme ce que font les mouchriquins quand ils adorent d'autres avec Allah ou d'autres en dehors d'Allah, alors dans ce cas-là Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas cette action-là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il n'accepte que l'action qui est faite purement pour son visage. Naam. Ensuite le shaykh il dit wa munasabatu dhikrihi fil bab annahu yadullu ala adam qabul al amal alladhi dakhalahu riya'un aw ghayruhu min anwa' al shirk. Le shaykh il dit que l'occasion pour laquelle on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est parce que il y a la preuve dans ce hadith du fait que l'action ne sera pas acceptée si à l'intérieur de cette action-là on a fait de l'ostentation ou d'autres formes de shirk. Alors l'action elle-même ne sera jamais acceptée, ne sera pas acceptée. وما يستفاد منه. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? أولاً التحذير من الشرك بجميع أشكاله وأنه مانع من قبول العمل. Donc premièrement, la mise en garde contre le shirk dans toutes ses formes, dans toutes ses manifestations, et que c'est une chose qui empêche nos œuvres d'être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, وجوب إخلاص العمل لله من جميع شوائب الشرك. L'obligation de purifier nos œuvres et nos intentions de toute forme de shirk. De toute forme de shirk. Le troisième point, wasfullahi bil ghina. Le fait de décrire Allah subhanahu wa ta'ala par la richesse ou bien par le fait qu'il soit suffisant à lui-même et qu'il n'ait besoin de rien. Et quatrièmement, wasfullahi bil kalam, c'est-à-dire de décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme possédant l'attribut de la parole et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est la parole comme attribut. Donc, ça c'est pour ce hadith-là. Ensuite, le cheikh mentionne un autre hadith qui est rapporté selon Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. Et le hadith, c'est le suivant. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté donc dans le Kitab al-Tawhid, dans le chapitre de Ar-Riya. Et ce hadith, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab l'a mentionné, et il dit à la fin de ce hadith, après l'avoir mentionné, qu'il est rapporté par l'imam Ahmad. Et ce hadith-là a différentes versions aussi. Il est rapporté par d'autres que l'imam Ahmad également. Comme par exemple l'imam Ibn Majah, il est rapporté aussi par l'imam Ibn Majah et d'autres également parmi les livres de hadith. Et qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Donc selon Abi Sa'id al-Khudri, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voudriez-vous que je vous rapporte ou que je vous informe de ce qui me fait plus peur pour vous que le Messie ad-Dajjal, c'est-à-dire qui me fait, voulez-vous que je vous informe de ce qui me fait plus peur pour vous que la fitna du Messie ad-Dajjal, c'est-à-dire l'antéchrist ou bien le faux prophète qui vient à la fin des temps, ad-Dajjal? Donc les compagnons ont dit: certes, oui, nous voulons savoir, hein, savoir qu'est-ce qui te fait plus peur, et dans le but de justement s'en préserver, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu et il a dit: ash-shirkul khafi, il a dit c'est le shirk qui est caché ou qui est camouflé. Pourquoi? Parce que celui qui fait le shirk al-khafi, le cheikh il explique donc par la suite les différents termes qui sont mentionnés dans ce hadith. Et il explique dans le hadith, il dit le shirk al-khafi, le shirk qui est caché ou qui est secret, c'est le fait qu'un homme se tienne dans la prière et qu'il embellisse sa prière parce qu'il voit que quelqu'un le regarde. Hein? Il sent que quelqu'un le regarde. Alors, il fait exprès pour que sa prière soit plus longue, bien qu'il donne l'impression d'être plus concentré. Donc, le cheikh, il explique les termes de ce hadith-là. Il dit: Akhwafu af'alu tafdil, ay ashaddu khawfan. Donc, akhwafu, c'est pour, yani, c'est à la wazni tafdil, c'est pour mentionner que c'est quelque chose qui lui fait plus peur, hein, akhwafu. C'est quelque chose qui fait, pour dire que c'est plus épeurant encore. Hein. Voulez-vous que je vous dise qu'est-ce qui me fait plus peur pour vous que Al-Masih al-Dajjal? Al-Masih, le Cheikh il dit, sahib al-fitna al-uzma. Summiya masihan li'anna aynuhu mamsouha. أو لأنه يمسح الأرض أي يقطعها بسرعة. Donc Al-Masih, c'est l'antéchrist, celui qu'on appelle l'antéchrist, qui va venir à la fin des temps, Ad-Dajjal. Et il vient avec une grande épreuve, une grande tentation, une grande fitna vers la fin des temps. Et on l'appelle Masih. Certains savants ont mentionné différentes raisons pourquoi on l'appelle Al-Masih en arabe. Certains mentionnent que parce qu'il a un de ses yeux qui n'est pas là, hein, on voit pas, c'est-à-dire un de ses yeux avec lequel il ne voit pas. L'autre explication, c'est que il passe sur la terre très rapidement, il traverse des longues distances rapidement. Donc, Ad-Dajjal, Kathir Ad-Dajjal, et Al-Kadhib. Donc, Ad-Dajjal, c'est une forme, une forme, disons, exagérée pour décrire quelqu'un qui ment beaucoup, hein. Quelqu'un qui fait beaucoup de dajjal, c'est-à-dire qui dit beaucoup de mensonges, donc on l'appelle ad-dajjal, tellement qu'il ment beaucoup. Comme on peut dire, par exemple, quelqu'un qui est kazib, qui est menteur, mais s'il ne fait que raconter tout le temps des mensonges, on va dire de lui qu'il est kazab. C'est une forme du mot qui est encore, qui donne plus de force, plus d'intensité au mot, pour faire comprendre que c'est un niveau vraiment très grand d'extrême de mensonge. الشرك الخفي سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وهو في الباطن قد قصد به غيره. Donc le shirk al-khafi, on l'appelle un shirk comme ça, khafi, dans le sens que c'est un shirk qui est caché. Pourquoi? Parce que la personne, elle montre que son action, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en lui-même, il a une autre intention. Donc c'est pour ça, c'est un shirk qui est caché. Personne ne peut savoir l'intention de cette personne dans son cœur. Quand on regarde quelqu'un, lorsqu'il prie, lorsqu'il fait des ibadat ou des adorations, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il se dit dans son cœur à ce moment-là. Est-ce qu'il est en train de le faire sincèrement pour Allah, ou bien est-ce qu'il est en train de le faire pour se faire remarquer? Ça, il y a seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ça. Les gens qui regardent, en fait, ne peuvent pas le savoir. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle al-shirk al-khafi. Tandis que les autres formes de shirk, en général, elles sont apparentes. Lorsque quelqu'un se prosterne devant un idole ou une tombe, ou fait un sacrifice pour autre que Allah, ou bien fait des doigts à autre que Allah, c'est des choses qu'on peut entendre, ou c'est des choses qu'on peut voir en général. Lorsque quelqu'un se met à genoux devant une croix, devant une statue, se prosterne devant une idole ou des choses comme ça, on le voit, hein. Tandis que cette forme de shirk là, qui est une forme de shirk mineur, c'est dans le cœur, c'est caché, hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit le hadith? Fayuzayinu salatahu. Donc fayuzayinu salatahu yuhassinuha wa yutiluha wa rahu dhalik. Donc, il embellit sa prière, il la prolonge, hein, et ainsi de suite. Ça, c'est des exemples. Et le cheikh, il dit, al-ma'na al-ijmali lil-hadith, le sens général maintenant de ce hadith. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith, kana as-sahabatu yatadhakaruna fitnat al-masih al-dajjal, wa yatakhawafuna minha. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك محذورا يخافه عليهم أشد من خوف فتنة الدجال وهو الشرك في النية والقصد الذي لا يظهر للناس ثم فسره بتحسين العمل الذي يبتغى به وجه الله من أجل رؤية الناس. Donc le cheikh explique le sens de ce hadith de façon générale, c'est que les sahaba étaient en train de parler entre eux au sujet de la fitna du Dajjal. Et c'est comme s'ils se faisaient peur entre eux par rapport à cette fitna. Comme s'ils mentionnaient la gravité de cette fitna et le danger de cette fitna entre eux. Hein, et donc ça leur faisait peur de parler du Dajjal comme ça. Ils discutaient entre eux comme ça, puis c'est comme s'il se faisait peur en parlant de ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a entendus parler de ce sujet là et il leur a mentionné qu'il y avait quelque chose qui pouvait être encore plus épeurant que la fitna du Dajjal, hein? Et il leur a dit, voulez-vous que je vous dise qu'est-ce qui est plus épeurant que ça encore? Et c'est là qu'il leur a mentionné que c'était al-shirk fi-n-niyya wal-qasd, c'est-à-dire que c'est le shirk que quelqu'un fait dans son intention et dans son objectif, hein, dans son but, hein, et que c'est une chose qui n'apparaît pas aux gens. Puis il l'a interprété en disant que c'est l'exemple de quelqu'un qui va faire une action par laquelle, en général, on recherche le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que cette personne, elle le fait pour se faire voir des gens ou à cause du regard des gens sur lui. Hein? Donc ça, c'est des exemples. ومناسبه ذكر الحديث في الباب ان فيه التحذير من الرياء وفيه تفسيره. Donc l'occasion pour laquelle on mentionne donc ce hadith dans ce chapitre, c'est que il y a la mise en garde contre l'ostentation dans ce hadith là, et il y a aussi la définition de ar-riya, qu'est-ce que c'est. Donc c'est des raisons pour lesquelles le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné ce hadith-là dans le chapitre. Ma yustafadu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Fil hadith, awalan, fil hadithi, shafaqatuhu sallallahu alayhi wa sallam ala ummatihi wa nus'uhu lahum. Ça, c'est un point très important aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était inquiet pour sa ummah et il avait, yani, donc de l'attention pour la Umma, et il voulait donc leur donner le bon conseil et la nasiha et les bonnes indications, les bonnes informations pour qu'ils justement soient bien guidés. Thaniyan an ar-riya akhwafu 'ala as-salihin min fitnat ad-dajjal. Donc ar-riya, l'ostentation, c'est quelque chose qui doit faire plus peur aux hommes, aux gens qui sont pieux, que la fitna du Dajjal. Hein? Parce que le Dajjal, c'est, il y a une fitna qui est très grande, mais la fitna du riya, ça peut être présente en quelqu'un à tout moment, à tout instant de la journée, hein? Dans n'importe quelle de ses adorations, s'il ne fait pas attention, il risque d'annuler la valeur de toutes ses œuvres, hein, à cause de cette forme de shirk. Donc c'est beaucoup plus dangereux que Ad-Dajjal. Hein? Et le point numéro 3, Al-Hadharu min ar-riya wa min ash-shirki 'umuman. Donc le numéro 3, c'est la mise en garde contre le riya. Hein? Le point bénéfique numéro 3, c'est la mise en garde contre l'ostentation et contre le shirk de façon générale. Donc ça, c'est les points qu'on peut tirer de ce chapitre. Donc, on a terminé donc l'explication de Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.